Il voyage en solitaire. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC. Bonsoir Sylvelle. Bonsoir les amis. Voilà. Aujourd'hui, on est encore à deux. Eh oui, on est en solo, on est en duo. Ouais. La fois dernière, c'est le slasher. Et maintenant, c'est toi. Oui. Voilà. Chacun son tour. Voilà. Au tir à la marelle. Ça va, les vacances se sont bien passées? Ouais, écoute, ça n'a pas été des vacances mémorables. Je n'ai pas passé un week-end mémorable non plus. Mais bon, ça a été dans l'ensemble. Voilà. Tu n'as pas été à Avoria, c'est skier. Non, pas été à Los Angeles non plus. Non. Mais là, Los Angeles, pour skier, c'est un peu dur quand même. Il faut aller à Aspen alors, dans les rocheuses. Tu sais, moi, je suis pas trop ski. On est plus au chaud. Hein. Ouais. Alors voilà. Donc, tu as préparé ta galette mystérieuse. Hein. Ah ouais, on va appeler ça la galette mystérieuse. Ah, j'y pense ça comme ça tout doucement, la galette mystérieuse. Et bien entendu, beaucoup de nouveautés. Et on recommencera à vous compter les concerts, car on recommence. Notre premier concert, c'est dimanche. Eh oui. Avec ton copain. Sabaton. Joachim Sabaton et Accept. Ouais. Voilà. Donc après, le lendemain, le lendemain, on pourra faire un récapitulatif. Récapitulatif. On y va. Demain de soirée. Voilà. Avec le slasher. Ouais. La slasher sera là. On va bien s'amuser comme d'hab. Hein. Bah, comme d'habitude. Hein. Bon, on espère, on ne garantit pas, mais on espère avoir une interview des deux. Oui. On verra bien. Là, on attend, comme d'habitude. Alors, au programme de cette émission, un peu de tout et de rien. Bah, de tout, voilà. Oui, mais de rien, il n'y aura pas, parce que sinon, il n'y aura pas de radio, on coupe. On va d'abord commencer avec End My Sorrow. L'album s'appelle Of Ghostly Echo. Mmh. Et le titre, c'est Show Burning Red. Et après, on se retrouvera tout de suite après. On va commencer tout de suite là maintenant, parce que c'est maintenant. Oh, Voilà, bon, on a commencé un petit peu agressif, hein. Ouais, c'est pas mal, ça change. Voilà. Féminine avec du drôle. Ouais, c'est pas mal, mais ça commence à... je suis un peu content quand même, parce que j'ai remarqué que... Tu vas voir, quand on va avancer dans la programmation, maintenant c'est ça, il n'y a pas que des filles. Maintenant elles se partagent le chant. Ouais. Et je trouve que ça fait un petit peu mieux quand même que... Ouais. Que toute seule. C'est sûr. Mais par contre, j'aime pas l'appellation tout le temps femelle. Ah, femelle, oui, oui. Et mâle. Je trouve que ça fait sadomaso, tu vois, femelle, mâle, quoi. J'aime pas. Même si on a un terme un peu bizarre dans le métal, femelle, mâle, je trouve qu'on peut dire woman. Ouais, voilà, woman, ça passerait mieux, quoi. Femelle voices, ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais, woman voices, ça passerait ouais, mieux, voilà, je trouve. Ça voilà, ça fait bien, je trouve. Ouais, là, ça prend les femmes pour des femelle, n'importe quoi. Ouais, femelle voices, tiens. Ouais. Ouais, Eric Voices, oui. Mais bon, je suis pas encore là. Ah, qui sait ouais. Qui sait, qui sait. Peut-être un jour, hein. Peut-être avec notre ami Le Taus, Philippe Le Taus. Ah, voilà. Ouais. Allez, Scarlett Aura avec Color Blind. Et puis après, ce sera à toi pour un titre hein, que tu vas nous faire découvrir. Tout à fait. Voilà, alors d'abord Scarlett Color Blind. Et le titre, cet extrait de l'album Falling Sky. We'll be right back. Eh ben c'est pas mal, hein. Ça s'appelle Scarlet Aura, Colorblind, c'est ce qu'on venait de s'écouter, eh ben, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, quelle est la galette que tu vas nous présenter Attends, excuse-moi, j'ai monté là, voilà, c'est de ma faute, voilà. Autant pour moi. Voilà, c'est encore une fois de sa faute. Hein. C'est ma faute. Tu me casses toujours mes coups, hein, toi. Allez, excuse-moi. Donc, je vais te présenter un groupe norvégien de Oslo. Donc le groupe s'appelle Nitrain. Ouais. L'album Vendetta. Ouais. Et le titre Come Out. Donc c'est une influence rock and roll comme j'aime bien. Comme tu aimes bien, hein, tout oui, à fait. Donc influence AC/DC, Motley Crue et ainsi de suite. Écoute, j'ai été voir leur page ce week-end et Ben, ils sont pas mal, hein, les loulous. Bah, je me doute que tu dois aimer ce genre de personnages, d'individus, et musicalement aussi. C'est parce que c'est vrai que quand on a l'impression, quand on parle, Sylvain ou Eric, ils aiment bien les nanas, ils aiment bien les mecs, mais on aime bien surtout d'abord la musique. Ouais, voilà si, c'est ça. Bah, on rigole, bien entendu. Après, ça fait partie de tout. Du look. C'est pas pour ça que nous ne sommes point sérieux. Voilà, tout à fait. Donc, c'est des Norvégiens. Ouais. Il doit avoir froid pour le moment, il fait très froid. Ah, il fait froid là. Pour le moment, il se la gèle, là, je peux te le dire. Je crois que ça a fait du moins 15 là en ce moment. Et encore, là. Je crois que même. Ouais, parce que la Finlande, ils ont fait même moins 30, je crois. Bah, je les plains. Franchement, déjà, moi, je suis gelé à moins 25, à moins 2, je suis déjà gelé. Et ouais. Alors, ouais. Tu vas nous faire découvrir. Je récapitule. Donc, c'est le groupe Nitrain avec le titre Come Out de l'album Vendetta. Voilà. Et c'est parti. Down on Alors, hein, c'était pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ben, si tous les groupes pouvaient revenir comme ça et des concerts comme ça, ben, j'y vais tout de suite, hein, tout de suite. Ben, c'est notre génération, hein. Bah ouais. C'est la génération des vieux. Je vais rappeler le titre du groupe, donc c'est Neat Rain, avec le titre Come Out et l'album Vendetta. Donc bien sûr, ils sont en tournée en Europe, mais pas Belgique ni France. Peut-être que ça va venir, ils attendent... Peut-être. Puis mais bon, sinon je le dis, ils sont en tournée là. Voilà les gars, si vous voulez les faire jouer près de chez vous, ben, n'hésitez pas. N'hésitez ben pas. Voilà. C'est quand même malheureux quoi, ben bon. Maintenant, c'est bien comment ça se passe les tournées aussi, donc oui. C'est peut-être pour ça aussi, hein, allonger à chaque fois pour jouer, c'est... Oui, peut-être. C'est pas évident. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est Jim Gilhead. Mm-hmm. Le titre s'appelle le Glorious. Non, c'est pas Inglorious, mais c'est Glorious. Glorious. Glorious, oui. Avec l'album, extrait de l'album Push on Truth. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et après, on retrouvera la Slasher Song Song. Mm. I'm Eh ben que le bonheur, le bonheur des oreilles. Bien, ça aussi, hein. Ah. Jim Head, le titre c'est Glorious et c'est Punch on True. On sait que le slasher n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais quand il n'est pas là, bah, il fait toujours bah, moi je veux ma slasher song. Et il a prévu donc de vous jouer, cher auditeur, auditrice. L'album s'appelle tout simplement Magma. Et oui, ici dans le studio, c'est un volcan, il fait chaud. Et le groupe s'appelle tout simplement Gojira. Et oui, groupe français et d'origine de Bayonne. Ouais, des pays basques, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, hein, pays basque. Parce que moi, la géographie, c'est. Voilà quoi, c'est comme moi et. Je pourrais pas dire quoi. Une bêtise, mais. Comme moi et les chicons, quoi, voilà. C'est vrai. Ouais, j'aime pas du tout. Donc la géographie, j'ai jamais aimé. Donc, le slasher nous a demandé de jouer le titre The Shooting Star. Donc voilà, on va respecter son choix et on va vous passer la slasher song. Et on se retrouve tout de suite après, les amis. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM, sur Rêve d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. We'll be right back. Eh ben, encore une fois, le slasher a encore frappé fort. Hein. Oui, donc c'était Gojira. Gojira. Tu sais d'où vient l'origine de Gojira en réalité? Au départ, il voulait s'appeler Godzilla, mais il trouvait que ça faisait un peu trop. Alors, Gojira, voilà. Et c'est vrai, en plus, c'est pas de la blague. C'est... Je le voyais bien, Gojira, Godzilla. Voilà. Allez, on va leur offrir, on va vous offrir des CD. Ça y est, je concours, les enfants. Voilà. Donc, pour emporter des CD, allez, je te laisse poser la question. Alors, de quelle origine est le groupe Gojira et de quelle ville ils viennent? Enfin, de quel département de la France, on va dire? Voilà. Hein, c'est quelque part en France. Voilà. Moi, je vous aide. C'est quelque part en France. Donc, vous répondez en message privé et vous remporterez un CD qu'on vous enverra, bien entendu, toute l'équipe. Le prochain qu'on va s'écouter avant de retrouver un titre à toi, Sylvelle. Tout à fait. C'est un groupe que j'ai accroché à Los Angeles. C'est un groupe de Los Angeles qui s'appelle Hungerhead. C'est pas mal du tout, c'est des gens très sympatoches, on a un peu discuté avec eux. Le titre s'appelle So Cold, l'album s'appelle Fueled by Rage, donc ça veut déjà tout dire. Fueled by Rage, c'est assez rentre dans l'art, mais un groupe très très très sympa qui comprend ce que c'est aussi de pouvoir se faire leur promotion. Et car ils essayent de percer et c'est vraiment, vraiment tout à leur honneur. On va s'écouter donc Hungerhead avec So Cold et on se retrouvera tout de suite après. ça des potes, comme on dit, assez Hungerhead avec So Cold. L'album s'appelle Fueled by Rage. Donc, quand je vous l'ai dit, by Rage, ça veut tout dire. Ouais, ça voilà. veut tout dire. Donc, l'album est gagné. Hein, voilà, ça y est. Félicitations à notre auditeur, Yannick. Voilà. C'est... Voilà. Il avait répondu quoi ? Parce que bon. Bayonne. Bayonne. Et c'est donc dans... Pays Basque. Pays Basque. Voilà. Donc la réponse, plus, c'est bonne. Voilà, c'est bon. Et bon, Gougiran, donc, a nous envoyé du sel des Pays Basques. Voilà. C'est là qu'on fait du sel, là, je crois, aussi. Non, c'est le piment d'Espelette. Non, c'est, ouais, ça va, alors. Espelette, c'est juste à côté de Bayonne. Ouais. C'est une petite ville qui s'appelle Espelette. Et il faut savoir voilà. que Sylvain est en train de me donner un cours de géographie. Oui, voilà. Voilà. Alors, le prochain que tu as choisi, c'est quoi ? Alors, c'est Silver Fist. Ouais. Donc, c'est un groupe espagnol. Mmh. Donc, le titre, c'est My Rebellion, avec l'album Fessiega. Ouais. Olé. Olé, olé. Il y a de plus en plus, moi, je trouve, du hard espagnol qui vient ouais. sur le devant. Je trouve que c'est pas mal. Bah oui, j'ai encore fait un cours de géographie. Comme je t'avais dit, quand je pars souvent en vacances en Espagne, et l'Espagne, c'est assez métalleux. D'accord. Très métalleux même. Ouais, tu m'as dit sur la côte, là, ça y est, on ouais. dirait même un petit Los Angeles, quoi. Ouais, Benidorm, ça fait un mini Los Angeles quand t'arrives là. Voilà. Mais les mêmes bars, les mêmes boutiques, tu te croirais à Venice Beach. C'est à exactement Beach. Le même décor. D'accord. Eh ben, on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. Allez, vas-y, je te laisse avancer. C'est moins cher. C'est moins cher. C'est voilà. Ah oui, c'est cool, moins cher. On peut même y aller sans avion. Oui, voilà. Là, donc, Silver Fist, avec le titre My Rebellion. Voilà. Je voilà. tiens juste à dire, il y aura encore un petit concours dans l'émission, hein. On est là jusqu'à 22h, donc on fera encore un petit concours. Félicitations à toi, jeune homme, on attend ouais. Toutes tes coordonnées. Félicitations, Yannick. Voilà, donc coordonnées avec adresse complète pour lui envoyer le CD. Voilà. Si maintenant, comme il peut répondre sur la page Rive d'Enfer en message privé. Donc voilà. il envoie un message privé sur la page Rive d'Enfer, il n'y a pas de souci, moi je la réceptionne et je le lui envoie. Voilà, ou alors tout simplement s'il veut, il peut nous envoyer par mail, c'est rivedenfer.rqc@gmail.com, Rif avec deux ouais, F. Ça on peut lui envoyer d'enfer. Le mail en, ouais. Ouais, en message, on va t'envoyer le mail. Parce que c'est pas toujours évident, par radio, il suffit qu'un... Et puis voilà, où qu'il est en voiture ou je ne sais quoi, ou à son travail. Mmh. Ah ben, si on travaille en écoutant la musique, c'est très bien, moi, je trouve. Mais il suffit que c'est une usine ou je ouais. ne sais pas quoi, moi. Ouais. Ou que j'ai fait trop de f. Ouais, voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Donc c'était le groupe Silver Forge. Non, c'est pas ça. First. Ah non, d'accord. Silver Fist, ouais. Pardon, avec le titre My Rebellion, un voilà. Créneau d'achat. Donc, groupe espagnol. Ouais, qui chante en espagnol. Hein, ouais, ils chantent en espagnol, c'est ce qu'on a découvert ensemble, là, olé olé, voilà. Ben moi, dans les groupes, maintenant, je vais faire une petite parenthèse, un groupe de rock que j'aimais vraiment bien, qui malheureusement n'existe plus, que je peux conseiller aux gens s'ils aiment bien cette langue en tant que chant. Mais c'est pas du hard rock du tout, mais c'est vraiment du très bon rock, c'est Héroes del Silencio. Franchement, c'est terrible. C'est à la bonne période, les années 90. C'est vraiment, ils remplissaient des forêts nationales, quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment canon. Et ben voilà, on va s'écouter maintenant Ancestral. Voilà. Avec Wind of Agadi. L'album s'appelle Master of Fate. C'est pas mal. Et puis après, on aura une petite... je ne veux pas le dire maintenant. D'accord. Mais d'abord, Ancestral. Suspense. Par contre, Ancestral, c'est maintenant, c'est tout de suite avec Wind of Agadi, Master of Fate. C'est le titre de l'album. s'envoie la patate quand même, hein, ancestral. Ouais, c'est pas mal, ça. Avec Queen of Agony, l'album s'appelle Master of Fate. Alors voilà, je ne vous l'avais pas dit, mais je vais vous le jouer. L'album n'est pas encore sorti, mais il va arriver incessamment sous peu. Le EP s'appelle Violence Unleashed. Et on va s'écouter God of Violence. Et c'est le New Creator, un groupe que j'affectionne très très très bien. J'ai toujours bien aimé ce qu'ils faisaient et ils font toujours d'ailleurs. Et je crois que cet album est encore un peu au-dessus encore que des autres. Voilà, on va s'écouter donc God of Violence de Creator. Thank you. Eh ben moi, franchement, je le trouve super, super canon. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est Creator, le nouveau. God of Violence, Violence Unleashed, c'est le titre de cet album que je trouve super, super, super, enfin, du EP. Si l'album est dans le même acabit, ben, sincèrement, ça va en faire des heureux, dont moi déjà. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter Chromo, avec l'album s'appelle Ear Feather, et on va s'écouter Supersonic, et on se retrouve tout de suite après avec la balade crapuleuse. Ok. We'll be right back. Alors l'album s'appelle Earthfather Chrono. Le groupe s'appelle Chromo. Et le titre c'est Supersonic. Voilà. Alors juste avant de retrouver encore un titre de ton choix. On va s'écouter la balade crapuleuse. Je peux pas tellement appeler ça une balade, mais bon, même si je l'ai choisi. Mais j'adore ce groupe. Le titre de l'album s'appelle Love Metal. J'aime le métal. Et le titre de la chanson que j'ai décidé de vous passer, c'est The Funeral of Hertz. Et le groupe s'appelle Him. J'adore ce groupe. Et il a un timbre de voix, mais terrible. Mm-hmm. Et j'adore cette chanson. Et même les albums de Him sont vraiment superbes. Allez, on va s'écouter Him avec The Funeral of Earth. C'est la balade. Soirée bafouillage. C'est la soirée bafouillage. Voilà. Allez, c'est parti. Love's the funeral of hearts and a note for cruelty. Cry blood on flies of evil in doom. The funeral of hearts and a plea for mercy. When love is a gun separating me from you. Shining upon the tomb of your hopes and dreams so frail. He was the moon painting you with its gloves of all narrow bone and pale. Love's the separating me. flowers of evil in bloom. Je sais, Hymn the Funeral of Earth, l'album s'appelle Love Metal. C'est pas pour, tellement une balade, mais bon, c'est, moi je trouve que c'est bien, c'est harmonieux. Et moi j'adore son timbre de voix. Voilà. Bon, c'était moi mon coup de cœur de balade. Pas tout le temps un truc vraiment très mielleux. J'aime bien un peu, c'est bien. C'est bien, la mélodie derrière, voilà, ça change. Alors, tu nous as choisi quoi pour la troisième galette ? Alors, moi je vais t'annoncer Enfield. Oui. Donc c'est un groupe allemand, il me semble. Allemand. Et le titre, c'est Good Timing, avec l'album Right to the Top. Voilà, la pochette est assez marrante, on voit un avion. Ouais, c'est un avion. Un avion, voilà. Mais bon, c'est, encore une fois, à mon avis, c'est un très bon choix venant de ta part. C'est, ça marque bien aussi ta personnalité, quoi. Des fois, c'est... Les extrêmes, mais des fois c'est moins les extrêmes. Voilà, ouais. Enfin, moi je suis plus, c'est vrai, assez rock'n'roll, heavy, glam, hard FM, on va dire. La génération, notre génération. Oui, mais ça m'arrive aussi d'écouter de l'indus. L'indus, ouais. Allez, vas-y. Et ben voilà, donc c'était Enfield. Donc ça va être tout de suite maintenant, à l'instant. Enfield. Avec le titre Good Timing. Et en plus, on est dans les temps. Exactement. Oh, joli. Oh. Allez. Alors, c'était le groupe Enfield avec le titre Good Timing. Ben moi j'aime bien, c'est pas mal, c'est pas mal, et ça me fait un peu penser, tu vois, dans les années 80, ouais. Et pourtant c'est marrant parce que c'est des groupes qui sortent maintenant, et ça fait penser que la musique des années 80 n'est vraiment pas morte, non. Et c'est bien parce que ça nous rappelle un peu notre génération, parce que nous sommes quand même des vieux dinosaures ici. C'est parce que vous ne nous voyez pas en live, hein, mais on a les peaux qui pendent de partout. Ouais, on est tout ridés. On est tout ridés, tout gris. J'ai plus de cheveux sur le caillou. Moi non plus. Voilà. Donc voilà. on est nés monsieur propre, sans faire de pub. Allez, le prochain qu'on va s'écouter, je kiffe ce groupe. C'est mon petit coup de cœur de la semaine qui vient de commencer fatalement. C'est un groupe qui vient de LA. Encore une fois, le titre qu'on va s'écouter, c'est Live Forever. Forever. Je fais un petit coucou à Ced qui nous écoute. Forever. Forevermore. Du groupe Forevermore, qui a pris un petit moment de stand-by, comme il nous a annoncé. Et le groupe s'appelle Supernova Plasma Jet. C'est avec une nana qui chante, mais j'adore cette mélodie. Elle est super bien foutue. Elle est super carrée. Et la nana aussi. Et la nana aussi, je n'en dis qu'on vient pas. Je l'ai invitée, mais elle a dit que... No, sorry, je comprends. Allez, Supernova, Plasma Jet, et le titre s'appelle Leave Me Forever, et l'album s'appelle ST. Voilà, donc je sais pas ce que tu en penses, hein, mais... Bah écoute, moi j'ai adoré. Hein. C'est bon, hein. Ah ouais. Et c'est Supernova Plasma Jet avec le titre Live Forever. Juste avant de retrouver ta Sylvain Song, on va d'abord s'écouter Trolloir, avec Omens of Victory. L'album s'appelle Traveler's Past, et ça aussi c'est béton. Voilà, alors ça fait plaisir parce qu'on nous dit qu'on aime ou on n'aime pas, et c'est bien. Là, c'était Trop Loire avec Omens of Victory. Alors, on retrouve la Syl Valsogne, et aujourd'hui, tu nous as choisi quoi, pourquoi et qui ? Alors, j'ai choisi Skid Row. Oh, ça, on ne connaît pas. Non, moi non plus, je ne connais pas. C'est des petits nouveaux. C'est des petits nouveaux. Avec le titre Fire Fire. Mmh. Alors, je vais expliquer. Vas-y, explique. C'est un gros coffret. Ouais. Mais il n'y a qu'un disque dedans. Donc c'est un chapitre. Donc tout à là, fait. On est au premier chapitre. Parce que tout le monde n'a pas bien saisi. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, pourquoi t'as un gros carton qui a 15 CD dedans ? C'est pour inclure les autres dedans. C'est parce qu'il y a une suite. Voilà. Donc ouais. Une suite de combien, je ne sais pas. Mais vu l'épaisseur du carton... Deux en plus, normalement. Deux en plus. Ouais. Donc ça fait 3 en total. Oui, 3 chapitres, normalement. Bon, bah voilà. Mmh. On en sait plus. Oui. Donc j'ai choisi Skid Row parce que j'adore Skid Row. Ouais. Skid Row, ben, un groupe qu'on a vu hein, sur ouais. cette tournée-là en plus. Ouais. Ouais. Des beaux souvenirs. Oh, et quelle interview. Hein. Ouais, et si on se souvient bien, ben, ils ouvraient pour Saxon. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Mmh. Ah, ouais, c'était super sympa cette interview-là en plus. Hein. Ouais, avec Monsieur Bland, Rachel. Ouais. Ah, c'était top. Moi j'ai bien aimé. Ouais. C'était... Et je trouve qu'il passe pas assez non plus en France. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'est un groupe qui mérite. Ah ouais, qui mérite. Hein. Ben bon, tu sais, c'est comme on disait. Hein, c'est, s'il n'y a pas de promoteurs qui sont. Enfin, ils tournent énormément, mais encore une fois, aux États-Unis. Ah ben, ils sont populaires là-bas. Hein, ouais. Ils sont populaires, hein, mais bon, que veux-tu ? Que veux-tu, que veux-tu ? Et je vois, ils tournent beaucoup, hein, même. C'était le premier chanteur. Sébastien Bach. Sébastien Bach. Et je vois, bon, bah, ça tourne quand même. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir avec Sébastien. C'était. Ouais. Waouh ! C'était la claque. Il avait une sacrée voix, hein, lui aussi. C'était la claque. Qu'est-ce qu'il est devenu, lui ? Bah, il fait ses carrières solo, hein, Sébastien Bach. Carrière solo. Il s'est marié, donc il y a très peu de temps maintenant. Bon, il s'est remarié, parce qu'à mon avis. Et il se promène un peu partout. Il va taper un peu la chansonnette à gauche, à droite. Et il fait quelques chansons solo, des choses comme ça. Il y avait un moment donné, pour parler de réintégrer Skid Row, est-ce que ça va se faire ? On n'en sait rien, vu que le chanteur a pris sa poudre d'escampette. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Moi, j'aimerais bien retrouver Sébastien Bach derrière le micro de Skid Row, mais tant que c'est pas signé, on peut rien dire. Hein. Mais moi, je trouve qu'il avait sa place là-bas, quoi, Sébastien. Mais bon... Je sais pas, il en a peut-être pas besoin, parce que... voilà, quoi, donc... Mais c'est un putain de bon chanteur. Putain de bon chanteur, un showman et un mec très, très sympa, mais il ne faut pas le chier dans les bottes. Ça, je peux te le dire. Mm. Ouais, mais Skid Row, bah, Skid Row maintenant ou Skid Row avec Sébastien Bach, c'est... il y a quand même un monde de différence. Ouais. Ouais, ouais, si, c'est vrai. Hein. Mm-hmm. Tout le monde le dit. Hein. Je ne veux pas dire le contraire. Mais bon, je l'aime bien quand même. Ouais. J'avoue. Quand tu vois, par exemple, You Golden Ride, waouh. Ouais, mais bon, j'aime bien quand même, j'aime bien le look, moi, de chez Skid Row, c'est ça aussi. Sauf qui... peut-être ton guitariste qui te fait peur, le guitariste salopette, là. Année avec Snake, ouais, ouais, c'est sûr que... Ouais, on n'en dira pas plus, ouais. Mais bon, c'est vrai que, ouais. Ouais, mais c'est impressionnant, c'est... hein. Impressionnant, ouais. Bah, on était avec le Slasher quand on a fait l'interview de Rachel Bolland, il était avec nous. Oui, il est avec nous, hein. C'est super sympa. Hein. Ah oui, il est super, super sympa. Mmh. Ah ouais, on a pu bien discuter avec lui et tout. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'il nous avait dit que les chapitres allaient arriver, on les attend toujours. Et à mon avis, je me souviens maintenant de cette interview, et à mon avis, est-ce qu'ils arriveront un jour ? J'en sais rien du tout, parce qu'on attend le nouveau chanteur. Et j'aurais une surprise pour toi, tiens, juste avant de le jouer. D'accord. Voilà. Tu me dis quand on peut l'envoyer. Ben, tu peux l'envoyer, oui. C'est vrai que le chanteur, il n'est plus là à voir. Ouais. L'ancien chanteur, c'était Johnny Solinger. Ouais. Et avant, il n'est plus là. Mmh. Ex-Skid Row, ouais. Qui n'est plus là. Il n'est plus là. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils attendent. Ouais, peut-être. Cédric, for great, vraiment. Cédric. Tu peux postuler, peut-être, ouais. Tu veux, j'ai le Facebook de Rachel. Ouais. Tu veux devenir le singer de Skid Row, il n'y a pas de problème. Et juste un petit aparté pour apprendre aussi. Tu sais que Sabo, ouais. Il était au départ chez Bon Jovi. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Ouais, Juste avant que l'album de Bon Jovi, le premier album qui s'appelle Bon Jovi, sorte, lui, il s'est barré juste avant l'enregistrement. Allez, d'accord. On va s'écouter ton titre. Et ben voilà, donc c'est le groupe Skid Row, et le titre c'est Fire Fire. Voilà. Et oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Hey, this is Rachel Bohm from Skid Row, and you're listening to The Screamer on Reef d'Enfer. Alors voilà, c'était le groupe Skid Row avec la chanson Fire, Fire. Bon choix. Ouais. Alors on lance un jeu concours, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on peut faire le jeu concours, c'est super bien, là ça tombe bien. Ouais, mais je vais changer la question. Allez, vas-y. Alors, c'est qui le nom du bassiste ? Je peux jouer ? De chez Skid Row. Si vous avez le nom du bassiste, ben en message privé, comme tout à l'heure, comme Yannick qui a fait et qui a gagné, ou alors sur la page Rive d'Enfer directement, pareil, vous cliquez sur Scream ou sur Sylval et vous répondez si vous avez le nom du bassiste de Skid Row, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et vous rapporterez One CD. Eh ben, bon choix, bon choix, bon choix. Allez, ravagez. Oui, je suis ravagé, on est ravagé. On est tous. Et on va s'écouter Ravager avec Burn the Crust. Alors, le titre de l'album, c'est Eradicate, Annihilated, Exterminated. Voilà. Donc voilà, éradiquer, annihiliter et exterminer. Annihilation. Ben, voilà. Et voilà, c'est parti. Et ça veut tout dire, c'est tout un programme. Juste à l'instant, c'était Ravager avec Burn the Crust, extrait de l'album Eradicate, Annihilated et Exterminated. Donc nous avons notre gagnant concours. Eh ben, bravo Yannick. Il est au taquet. Ouais, c'est bien Rachel Bolen. Oui, monsieur Bolen, qui est là depuis le début. Bassiste. Fondateur, un des fondateurs. Ouais, très gentil. Très gentil. Petit, ami mais gentil. De Nikki Sixx. Allez. Ils sont tous potes quand même, quand tu penses. Ouais, mais c'est son grand copain, lui, quand même. Hein. Ouais. Enfin. Allez, le prochain. Ben, ça serait bien, par contre, s'il arrive à nous répondre. De toute façon, oui, on a ses coordonnées. Quoi. On a son adresse, on a tout, c'est bon. Y a pas de souci. Ouais. On va préparer les CD, comme ça je repartirai pas les mains vides pour après voilà. les envoyer quoi. Voilà. Alors le prochain c'est Shatter Messiah. L'album s'appelle Orphan of the Chaos et le titre s'appelle Slave. Je rappelle aussi que là tout doucement la saison va recommencer les concerts et on aura aussi des places à vous faire gagner pour les concerts à venir. Malheureusement on n'a pas pu avoir des places pour Sabaton et Accept, mais tout doucement ça va revenir et il y aura même peut-être des places pour des big festivals, mais j'en dis pas plus pour le moment. Voilà. Espérons, voilà. C'est comme d'habitude, généralement ça se passe bien, donc je vois pas pourquoi, mais normalement on aura des concerts comme d'habitude quoi. On attend voir. Shatter Messiah avec Steve, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ben voilà, je sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais c'est pas mal, hein, Shatter Messiah. Oui, c'est pas mal, c'est vrai. Ça change un petit peu, mais bon, c'est bien. L'album s'appelle Orphan of the Chaos, et le titre c'est Slave. Alors, le prochain c'est Distopolis, Lord of the Sand, c'est le titre qu'on va s'écouter, et l'album s'appelle Venom. Oula. Rolling smashes, rolling to power. J'adore, j'adore. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez, ça me fait un peu penser aussi à Ice Earth en même temps. Ça me faisait vraiment penser un peu à ça aussi. C'est Distopolis avec le titre Lord of Sand. Vraiment, vraiment rien à redire, n'est-ce pas? Écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, c'est pas mon style. C'est pas ton style. Non, c'est pas ma cam. C'est pas ta cam. Ce genre-là, c'est pas mon truc. En parlant d'Iceheart, ils vont bientôt venir par chez nous, enfin par chez nous encore une fois, au pays flamand. Ah. Voilà. J'allais dire au pied du soleil levant, c'est un peu loin quand même pour y aller. Même si je ne suis pas fort en géographie, je sais bien que c'est du côté du Japon. Ouais. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est Tyrone, avec l'album s'appelle Rebel Shall Conquer. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est From Prey to Predator. C'est spécial, j'aime bien. Je ne sais pas si vous allez apprécier aussi, mais bon, ça se laisse bien jouer. Bien écouté, quoi. Ouais. Et déjà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Il ne nous reste plus que 9 petites minutes à passer ensemble. En tout cas, je remercie les nouveaux auditeurs qui nous félicitent. Et si nous, on est là, c'est grâce à vous, les amis, qui nous encouragez à faire l'émission. Si vous n'étiez pas là, ben, on ne ferait pas l'émission, tout simplement. Voilà. C'est vrai. Voilà, tout à fait. Exactement, et vive tous les musicos et compagnie, c'est vrai, c'est important. Hein. Oui, et si, on va préciser justement, c'est bien que tu le dises, si vous êtes musicos et que vous avez un groupe et que vous voulez vous faire connaître, bah, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail, votre galette, et on essaiera de vous avoir en interview, et si vous êtes trop loin, on vous jouera en phoneur, on vous interviewera en phoneur. Justement, en parlant d'interview, la semaine prochaine, on aura une interview. On aura une interview. Et ce sera en parlant des vins. D'accord. Oui, des vins. Car il y a des vins avec des bouteilles. Ah oui, ça c'est important. Des vins, des bouteilles avec des noms de groupes très très connus. Voilà, et normalement il y aura un concours pour remporter ces bouteilles de vin, notamment il y aura pour du Guns, voilà. du Metallica. Et du Maiden. Non, pas du Maiden. Et pas du Maiden. Non, il y a que trois vins, pour le moment ils ont fait que trois vins du Rage Against the Machine. D'accord. Voilà. Et on aura donc la personne qui a créé cette initiative au téléphone demain. Demain, moi. Non, pas demain. J'ai bu trop de vin. Ouais, voilà, il est alcoolisé à mort ce soir. Et on aura donc Stéphane. Ça me fait marrer parce que c'est Stéphane Truchot. Alors je dis, ben, vaut mieux pas que je dise Cruchot. Stéphane Truchot au téléphone vers 20h30 lundi prochain. Et après, à l'issue de l'interview, on fera remporter un coffret de ces trois merveilleuses bouteilles. On aura du rose, du rouge, du blanc et du moelleux. Et c'est du vin bio. Et franchement, je peux vous dire, il est pas dégueu. Allez. Vincent. Tyrone, c'est tout de suite avec From Prey to Predator. Even something new, you Et ben voilà, il est bientôt l'heure de se quitter. Hein. Et oui, ça passe vite. Ça passe vite. Très vite. Que veux-tu ? Deux heures comme ça, ouais. C'est pas assez. Ouais, avec une bonne programmation. Et là maintenant, la programmation elle va suivre avec les Midnight Monkeys qui ils sont de retour. Là, ils sont arrivés. Voilà. Et apparemment, ils ont le teint, le bon teint, donc ils n'ont pas trop eu un week-end arrosé, je suppose. Trop souffert. Trop souffert des fêtes. Non. Ça a été. Voilà donc les. tranquille. Alors ben voilà, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver donc vos animateurs juste après nous, hein, les Midnight Monkeys. Il me semble que j'ai oublié un mot, j'ai pas le Slasher. Radio Show, voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le Slasher. Et oui. Et on vous comptera un peu notre aventure avec Sabaton, Accept. Et on va se quitter avec Disperse, avec Stay. Et on remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Et la communauté s'agrandit et ça fait plaisir. Ciao! Ciao, merci!